toi et moi, nous le savons. La présence de l'homme sur cette terre ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni d'avant-avant-hier, ni d'il y a une semaine, mais plutôt d'il y a des millions d'années. Il y a eu l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et enfin l'Homo sapiens, également appelé homme de Cro-Magnon. Depuis tout ce temps, ce vieil ancêtre de la préhistoire, on aurait pu l'oublier. Heureusement, il nous a laissé quelques traces, par-ci, par-là. Des outils, des bijoux, des ossements, et puis des grottes. Des grottes magnifiques, dont les murs sont décorés de sublimes peintures, dont les tons ocres et orangés. Ces endroits, bien sûr, sont cachés. Nous ne disposons d'aucune carte pour les retrouver. Ils restent donc secrets pendant des milliers d'années. Jusqu'à ce que quelqu'un les découvre. C'est le cas, par exemple, de la magnifique grotte de Lascaux. La grotte de Lascaux, tu connais ? C'est un trésor de l'humanité. Une caverne souterraine tapissée de superbes peintures de chevaux, de taureaux, de rennes et d'autres animaux fantastiques dessinés par l'homme il y a 18 000 ans. Comment et qui a fait cette fabuleuse découverte? Que contenait la grotte à l'intérieur? Y a-t-on trouvé des surprises comme, oh, je ne sais pas, des hommes de Cro-Magnon endormis en train de ronfler? Prépare-toi. Oui, tu peux enfiler un petit chandail si tu es frileux. Nous partons en mission d'exploration archéologique. Où sommes-nous? Dans la vallée de la Vézère. Quand? Dans les années 1940. Qui dit vallée, dit rivière. La Vézère est un cours d'eau vif et remuant qui parcourt joyeusement la Dordogne, une région ensoleillée et globalement toute verte dans le sud-ouest de la France. Au milieu des forêts de pins s'élèvent des collines, au sommet des collines poussent des ifs, des lavandes et des genévriers. Nous sommes le 12 septembre 1940, c'est un jeudi, c'est la fin de l'été. D'ailleurs, le soleil tape encore fort à travers les carreaux et ça dérange Marcel Ravida qui a 18 ans, qui se réveille et qui doit plisser les yeux en buvant son café au lait. Marcel est apprenti mécanicien. Aujourd'hui, c'est repos. Il ne travaille pas au garage. Tant mieux, car il a du pain sur la planche. Marcel est préoccupé. Il y a 4 jours, il a fait une étrange découverte. Alors qu'il se promenait avec une bande de copains tout en haut de la colline de Lascaux, son chien Robot a disparu sous la terre pendant plusieurs minutes. Robot est du genre chien fou. Sa passion, sauter dans tous les coins et creuser le sol pour déterrer tout ce qu'il peut. C'est assez drôle, je dois dire. Enfin, surtout au début. Parce qu'au bout d'un moment, ouh, ça finit par devenir un petit peu agaçant. Mais pas cette fois. Cette fois, Robot a attiré l'attention de Marcel. Intrigué, il est allé voir. Oh, qu'est-ce que ce chien a encore trouvé, là? S'est demandé le jeune homme. Réponse: un trou. Un simple trou? Non, non, pas si vite. Un trou bizarre, assez étroit et à vue de nez, anormalement profond. Pour mesurer sa taille, Marcel a fait tomber un caillou à l'intérieur. Un long et lointain écho s'est fait entendre. Ça alors, comme s'il n'avait pas de fond. Tiens donc, jusqu'où peut-il aller ce trou? Jusqu'aux entrailles de la terre? Les garçons se sont regardés d'un air malicieux. Et si c'était l'entrée du souterrain du château de Lascaux? D'après la légende, il conduirait tout droit au trésor du comte du Périgord. Tu en as déjà entendu parler? C'est un veau entièrement fait d'or. Sans doute lourd à transporter, mais sacrément beau, original et brillant. Imagine-le posé au milieu de ton salon. Oh, la classe, non ? Pour l'instant, personne n'a encore réussi à retrouver sa trace. Marcel et ses amis se sont mis à creuser. Mais à main nue, sans outils, bonjour la galère. C'est pratiquement mission impossible. Alors, que faire? Cet après-midi-là, la bande de copains s'est séparée en se promettant de garder le secret. Trésor? Pas trésor? Depuis, Marcel n'arrête pas d'y penser. Il faut absolument y retourner et vérifier. Cette fois, avec de bons outils. C'est ce qu'il compte faire aujourd'hui. Son café terminé, sans même prendre le temps de passer sous la douche, oust, il est dehors. Direction la colline de Lascaux. En chemin, il passe prendre ses copains. La guigne, ils sont tous occupés. Mince quoi, ce trésor, si trésor il y a, il ne va tout de même pas le découvrir tout seul. Que va-t-il faire? Va-t-il tourner les talons et rentrer bien sagement chez lui? Oh non! Oh, ce serait vraiment trop bête! Fort heureusement, pile à ce moment-là, passe une autre bande de copains. Il y a là Georges, Simon et Jacques. Ils ont entre 14 et 16 ans, l'esprit curieux et la rigolade facile, et puis surtout, ils adorent les aventures. Un petit détour pour déterrer le trésor de Lascaux? Un peu mon neveu qu'ils sont partants! Arrivés sur les lieux, pas de temps à perdre. Les garçons se mettent directement au travail. Leur plan, il est très simple. Élargir assez le trou pour pouvoir s'y glisser, puis remonter le souterrain jusqu'au trésor. Ils creusent à l'aide de petits poignards pendant une bonne heure environ. Ils retirent des branches, des cailloux et même les restes d'un âne mort. Enfin, le trou est assez grand. Marcel s'y faufile en premier. Il est suivi de près par ses trois camarades. Ils avancent lentement, à plat ventre, comme une bande de vers de terre. Laisse-moi te dire que ce n'est pas très confort. Les parois sont couvertes de petites stalactites et stalagmites qui râpent les genoux et les coudes. Aïe, ouille, ça blessouille! En plus, ils ne voient pas grand-chose. Où vont-ils exactement? Difficile à dire. Ils sentent seulement qu'ils sont en train, petit à petit, de s'enfoncer sous la terre. Oula! La pente d'ailleurs est de plus en plus raide, jusqu'à devenir pratiquement verticale. Ils sont tombés dans un deuxième tronc. Hey, tout va bien? Rien de cassé, les gars? Demande Marcel. Non, non, tout va bien. Mais purée, où est-ce qu'on est arrivé? Marcel allume sa lampe. La petite bande poursuit son exploration. Ils marchent prudemment, un pas devant l'autre, les yeux rivés au sol, histoire de ne pas trébucher et tomber dans un troisième trou. Soudain, Jacques pousse un cri. Il pointe son index dans les airs au-dessus d'eux. Les copains, regardez! Marcel, Georges et Simon relèvent la tête. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Le plafond est rempli de peintures rouges, jaunes et noires. On dirait des animaux? Mais de quelle espèce exactement? Les garçons ouvrent grand leurs yeux. Oh! Des taureaux! Ce sont des taureaux! Puis ils tournent la tête à gauche et à droite. Ils pointent leur lampe en direction des murs. Sous le faisceau lumineux, apparaît un magnifique bestiaire. Il y a une vache rouge à la tête noire, un cheval couché sur le dos, des cerfs, des rennes, des bouquetins, des vaches, des bisons et même une licorne. Oui, une licorne, je t'assure. Ou alors, ça y ressemble fortement. C'est une sorte de grand cheval avec deux longues cornes légèrement ondulées. Si ce n'est pas une licorne, dis-moi, comment tu appelles ça, toi? Les garçons sont dingues, ils sont fous. Ils s'échangent des tapes dans le dos, ils se sourient en faisant le signe, pouce en l'air. Plus ils avancent, plus les peintures sont nombreuses. Elles sont très grandes, parfois immenses. Elles recouvrent les parois sur plusieurs dizaines de mètres. La petite troupe ne peut quitter des yeux le plafond et les murs. Ils sont émerveillés, fascinés, subjugués. Ils ont l'impression de tourner les pages d'un livre gigantesque et extrêmement précieux. Un grand livre sur une mythologie jamais encore découverte. Cela fait une heure qu'ils sont sous terre, lorsque... Zut! La lampe s'éteint. Il faut remonter à la surface. Parvenus à l'extérieur, ils s'asseyent 5 minutes sur un tronc d'arbre. Personne n'ose prononcer un seul mot. Ils se regardent dans le silence. Ils savent tous qu'ils ont fait une incroyable découverte. Les jours suivants, ils reviennent explorer le reste de la grotte. Elle est très grande. C'est une véritable galerie souterraine avec de longs couloirs et plusieurs salles. Marcel, Jacques, Georges et Simon découvrent d'autres animaux tout aussi beaux, étranges, majestueux et poétiques. Ils sont dessinés de façon réaliste, on les reconnaît très bien, et en même temps, certains traits sont exagérés. Les chevaux, par exemple, ont des ventres anormalement gros. Quant au bois des cerfs, ils sont particulièrement développés. Qui a bien pu peindre ces magnifiques animaux? Et cette grotte, à quoi servait-elle? Jacques a alors une très bonne idée. Il va toquer à la porte de son ancien instituteur, Léon Laval. C'est d'accord, il accepte d'aller jeter un œil. Le 18 septembre 1940, 6 jours après la découverte, l'instituteur est devant le fameux trou où tout a commencé. Le bonhomme a 55 ans et il n'est pas très sportif. La descente est encore plus difficile que pour les garçons. Mais bon, il glisse et il arrive tout en bas. À peine a-t-il posé son regard sur le plafond et sur les murs qu'il pousse des cris de joie et d'admiration. Le premier mot qu'il prononce commence par un M et se termine par un E avec un R au milieu. Je te laisse deviner. En un quart de seconde, il identifie l'auteur de ces magnifiques dessins d'animaux. L'homme préhistorique. Jacques, Georges, Marcel et Simon ont découvert une grotte de la préhistoire. C'est absolument époustouflant. Les garçons sont sans voix, ils sont très fiers, mais cela ne suffit pas à apaiser leur curiosité. Ils ont encore beaucoup de questions. Pour éclaircir tout ça, l'instituteur contacte un grand savant, l'abbé Breuil. À l'époque, on l'appelle le pape de la préhistoire. Sans faire de chichi, il accepte de se déplacer. Après une longue visite de la grotte, il répond aux interrogations de l'instituteur et des adolescents. Il se met à raconter l'homme de Lascaux. L'homme de Lascaux vivait il y a 18 000 ans. Tu ne seras donc pas surpris d'apprendre que le monde à son époque est très différent du nôtre. D'abord, c'est la dernière période glaciaire. Il fait beaucoup plus froid. Ensuite, le niveau de l'océan est très bas par rapport à aujourd'hui. La Manche ou la mer du Nord n'existe pas et l'Angleterre est rattachée au continent européen. Tu imagines? Ça fait de sacrées différences. Par contre, l'homme, lui, nous ressemble. Physiquement, nous sommes identiques. C'est un homo sapiens exactement comme nous. Il est nomade, il vit de la chasse et de la cueillette. Et il peint. C'est un artiste. Il est d'ailleurs extrêmement doué. Il maîtrise parfaitement son coup de pinceau. Comment le sait-on ? Eh bien, il n'y a aucune rature, ni pâté, ni tache, ni coulure sur les murs. Pendant des millénaires, Lascaux a gardé ses secrets. Elle a été découverte par hasard grâce au courage de 4 garçons intrépides. Tu imagines ? Peut-être que tous les jours, tu marches à côté de trésors de l'histoire, enfouis sous des tonnes de terre ou de béton. Oh, je ne te conseille pas de faire des trous partout, comme Robot le chien fou. Mais si tu trouves un trou bizarre, creuse un peu, même avec une petite cuillère. On ne sait jamais ce que tu pourrais découvrir. Lorsque Simon, Jacques, Marcel et Georges ont découvert la grotte de Lascaux, ils se sont faufilés dans un étroit couloir recouvert de stalactites et de stalagmites. Dis-moi, est-ce que tu vois ce que c'est ? Ce sont de drôles de formations rocheuses, un peu comme des doigts, qu'on trouve à l'intérieur des grottes, accrochées au sol et au plafond. Je confonds souvent les deux et cela m'embarrasse énormément. Lorsque cela m'arrive, je pense à cette petite astuce. Les stalactites sont au plafond. Pourquoi ? Parce qu'elles tombent avec un T comme dans stalactites. Les stalagmites, elles, se trouvent par terre, sur le sol. Comment j'en suis si sûre ? Eh bien, parce qu'elles montent avec un M comme dans stalagmites. Et voilà, le tour est joué.